Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette toute nouvelle émission qui est là pour traiter de sport mécanique. Je m'appelle Geoffrey et on va se retrouver toutes les semaines pour parler de nos sports favoris. Cette première émission sera consacrée longuement aux essais de pré-saison de Formule 1, mais pas que, également transfert. Et on va évoquer bien évidemment le coronavirus sans rentrer dans les détails. Je ne suis pas docteur et je ne prétends pas être spécialiste. Mais ça bouge au niveau de notre sport favori, enfin mon sport favori qui est la Formule 1, et je dois quand même y toucher deux mots. Je terminerai cette émission par évoquer un peu l'actualité au niveau du sport mécanique avec le week-end du Grand Prix de Marrakech en ce qui concerne la Formule électrique. Avant d'évoquer tout ce qui est, on va dire, essai pur et dur, je tenais quand même à revenir sur les transferts pour cette saison 2020, parce qu'il y en a eu, pas beaucoup certes, mais il y en a eu au moins deux. Williams s'est séparé de Robert Kubica suite à ses échecs de performance et suite à peut-être aussi à un côté de portefeuille pour mettre à la place Nicolas Latifi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a commencé sa carrière en sport mécanique en 2012, dans le championnat de Formule 3 où il a fait 4 podiums dans une victoire. Entre 2014 et 2019, il a pu accéder à la GP2 qui est devenue la Formule 2 où il a fait 99 courses. Sur ces courses, il a fait 21 podiums, dont 6 victoires. Sa carrière a été grandement financée grâce à son père milliardaire, comme Stroll d'ailleurs. Et il y a encore une autre similitude parce que la saison dernière, le père Latifi a mis énormément d'argent, dans l'écurie pour aider. On espère pour développer une meilleure voiture. Hein. Après, pour ternir légèrement le tableau de Latifi, non que je ne veux pas dire qu'il est nul, hein, c'est quand même un pilote à surveiller s'il a pu avoir accès à la super licence, c'est que Latifi n'a par contre jamais gagné une compétition pour le moment. Le deuxième transfert s'est fait chez les Français. Renault s'est séparé de Nico Hülkenberg pour faire place à Esteban Ocon. Il a 23 ans et il est l'oublié de la saison 2019. En effet, suite au rachat de Force India, il a perdu son baquet au profit de Stroll. La saison dernière, il était pilote réserve chez Mercedes. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Ocon, on va quand même revenir très rapidement sur sa carrière en monoplace. Donc en 2012, il commença par faire de la Renault 2.0, hein, de la Renault 2, où il fit quelques courses avec Quaranen Motorsport. En 2014, il fit le championnat d'Europe de Formule 3, où il a réussi à devenir champion dès la première saison. En 2015, il fit le championnat de GP3, où il finit champion avec Hart. Et ce fut en août 2016 où il commença sa carrière en Formule 1 chez Manor, en remplacement de Rio Arianto. Entre 2017 et 2018, il partit chez Force India, où il réussira à marquer des points sur plus de la moitié des courses où il a participé. Voilà, ça c'est les deux changements pour cette saison. En ce qui concerne le règlement, il n'y a pas eu de gros changements pour la saison 2020, vu que les monoplaces changeront drastiquement en 2021. On peut noter par contre que les pilotes pourront changer de casque quand ils veulent tout le long de la saison, il n'y aura plus de limitation là-dessus. Le calendrier a été modifié par contre. Pour cette saison, il y aura l'ajout de nouvelles courses dans le Vietnam, normalement, qui devrait se passer normalement le 19 mars. Malheureusement, suite au coronavirus, ce week-end a été mis en pause. Et il y a également l'ajout des Pays-Bas pour le week-end du 30 avril. Pour cause de coronavirus, le GP de Chine est pour le moment reporté à une date inconnue. En ce qui concerne le Grand Prix du Pays-Bas, pour ceux qui ont les réseaux sociaux ou qui ont YouTube, n'hésitez pas à voir le tour qu'a fait Verstappen sur une ancienne Red Bull. Je trouve que le tour était assez fabuleux et les pilotes seront quasiment à fond tout le long de la course et ça promet de la très bonne course. Allez, Maintenant, on va finir. On va parler vraiment d'essais de pré-saison. Donc, pendant ces essais pendant ces essais hivernaux, je vais éviter de vous parler de quand, enfin, pour ces essais de pré-saison, je vais éviter de vous parler des jours des pilotes ou des chiffres de chrono, parce que tout ça, c'est un peu du vent, tout le monde le sait, et la plupart des écuries cachent leur jeu. Je vais essayer plutôt de parler de chiffres tangibles. Donc après ces premiers essais hivernaux 2020, à la fin de la première semaine, Pirelli estime à peu près sur un tour en Barcelone les différences entre les pneus. Donc en Formule 1, les pneus, il y a cinq catégories, les C1, les C2, les C3, les C4 et les C5. C1, C2 sont considérés comme des pneus durs. C3, c'est les pneus médiums. C4, soft. C5, ultra soft. Donc, entre le C2 et le C4, Pirelli estime qu'il y a 4 dixièmes de différence. Entre le C3 et le C4, Pirelli estime qu'il y a 5 dixièmes de différence. Et entre le C4 et le C5, Pirelli estime qu'il y a 6 dixièmes de différence. Alors, je pense que la fin, enfin, je pense que lors de cette saison, les voitures iront de plus en plus vite. C'est quelque chose qu'on a pu remarquer en ce qui concerne les essais de pré-saison. Et j'espère qu'on arrivera sur certains temps en dessous de la minute. Ça serait quelque chose d'assez extraordinaire à voir en Formule 1. Surtout qu'apparemment, en 2021, les voitures iront quand même un peu moins vite. Donc voilà, ça c'est ce que je pouvais dire point de vue temps aux pneus. Maintenant, on va parler un peu de kilométrage. Donc, pour information, le circuit de Barcelone fait 4,65 km. Ceux qui ont parcouru le plus de tours sont les Mercedes avec 2155 tours parcourus. Ferrari en deuxième position avec 1836 tours. 1876 km parcourus, Renault 1373 km parcourus et Honda 1210 km parcourus. Ça, ce sont les chiffres ça, ce sont les chiffres normalement que je vous dise pas de bêtises de la deuxième semaine. Non, je vous raconte des bêtises. Ce sont les tours. Ce sont les kilomètres parcourus sur le dernier jour. Donc c'est quand même des choses assez extraordinaires. Ils ont fait beaucoup de kilomètres, surtout que Mercedes a eu quelques pépins sur le cinquième jour des essais. Donc ils avaient voulu, à mon avis, rattraper le coup avec Bottas. Pour vous donner une idée. Sur les 2 semaines, ils ont fait. C'est comme s'ils avaient fait. C'est comme si Mercedes avait fait 13 tours 65. Enfin, 13 tours, non. Pardon, excusez-moi. 13 courses 65. Ferrari, 12 courses 71. McLaren, 12 tours 06. Racing Point, 11,80. Red Bull, 11,77. AlphaTauri, 11,59. Renault, 11,20. Alfa Romeo 11 de 12, Williams 11 et As 9,73. On parle de course quand même. C'est quand même, ça montre que les voitures ont atteint une fiabilité extraordinaire. C'est quand même pas très étonnant vis-à-vis comment dire? C'est pas très étonnant vis-à-vis de la fiabilité qu'on arrive sur la dernière année de cette réglementation. Et ça, c'est ce que je pouvais dire un peu point de vue chiffre. Au niveau fiabilité, on n'a pas vu grand-chose. Enfin, on n'a pas vu grand problème. La plupart des voitures tournaient tournait bien. Hein. Il y a Williams, Mercedes ont eu quelques problèmes, comme Red Bull, en fait, comme toutes les écuries ont eu des problèmes. Après, vaut mieux les avoir maintenant que pendant des essais libres 3. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Pour terminer cette grande page autour de Barcelone, je vais vous lire le ressenti général de notre consultant Adrien, qui était présent sur place lors de la première journée, il me semble. Alors, Déjà, premier truc, il ne faut pas attacher trop d'importance aux résultats des essais, à mon sens. Premièrement, sur les chronos, effectivement, Mercedes et d'autres sont allés très vite par rapport à l'an passé. La hiérarchie est très différente d'une journée à l'autre. Je voyais aujourd'hui Renault P1 à midi et qu'il n'a fait aucun chrono hier. Encore une fois, j'essaye de rester objectif. Et je sais qu'en test, on consacre des jours à essayer différentes choses. Donc le temps n'est pas un objectif en soi. On peut te demander de faire 50 tours à 5 secondes de temps de qualif juste pour essayer des maps moteurs, par exemple. C'est pour ça que je ne regarde pas le temps au tour. Tu remarqueras que sur certaines journées, la hiérarchie change à 10 minutes de la fin. C'est aussi pour pouvoir communiquer et faire un tour vite et en fin de journée si tu y es autorisé. Encore une fois, c'est une question de planning et seule l'équipe décide. 2. La fiabilité. J'ai lu un peu partout que le moteur Mercedes avait eu des soucis, Red Bull pareil. Je pense que justement ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Les essais, c'est fait pour essayer. Et je préférerais casser un moteur là plutôt qu'à la FP3 à Melbourne. D'une manière générale, je ne crois pas que la hiérarchie établie l'an passé sera chamboulée. Les équipes étant déjà sur 2021, à mon sens. L'interrogation reste sur Racing Point, mais encore une fois, même si tu as une monoplace de l'an passé, tu n'as pas celle de cette année, et donc pas de surprise. Il est possible de les voir performer un peu mieux. J'ai pu lire que Ferrari s'inquiétait sur leur cas. Mettre une écurie comme Ferrari derrière, c'est possible, mais pas sur 20 courses. Donc je pense pas qu'il faille trop s'attarder sur ce genre de déclaration. Je me trompe peut-être. Mais je ne crois pas un grand chamboulement cette saison. En conclusion, j'ai hâte que ça commence, parce que je suis un fan de Formule 1 depuis toujours. Même si je ne m'attends pas à grand bouleversement, je serai sûrement devant ma télé pour les essais libres 1 à Melbourne à 3h du matin. Voilà, ça c'est ce que pouvait dire notre consultant Adrien qui verra pour enregistrer sa voix sur les prochaines émissions. Bon, j'ai pas grand chose de plus à dire que lui, hein. Il a très bien résumé la situation et puis voilà. Après cette grande page Formule 1, on va essayer de s'attaquer quand même un peu sur le reste en parlant d'actualité automobile qui a eu sur ces derniers temps. Sur ce week-end, par exemple, il y a quand même quelques courses. Donc, je vais quand même commencer par une nouvelle, encore une fois une nouvelle Formule 1. C'est pas que je veuille absolument parler, mais bon, là c'est quand même assez intéressant. Le Grand Prix de Bahreïn se tiendra à huis clos. Il y a quelques jours, ils avaient annoncé d'arrêter les ventes de billets, et là maintenant ils ont décidé de faire la course à huis clos à cause du coronavirus. C'est préoccupant. Honnêtement, moi je me déplace pas à Bahreïn pour aller voir une course. Ce genre de choses, ça se fera de plus en plus cette saison, à mon sens. Donc on n'a pas atteint le pic du virus. Donc voilà, rien d'inquiétant. Encore une fois, je préfère voir une course à la télé que de me dire ah, merde, la course est annulée. Par contre, là où c'est un peu plus préoccupant, c'est que l'Italie a pris des nouvelles mesures contre le coronavirus. Entre la nuit de samedi et dimanche, et les écuries italiennes pourraient être bloquées. Et là, Ross Brawn avait dit que si une écurie ne pouvait pas participer, la course serait tout simplement annulée. Enfin, pas annulée, à mon avis, ça serait plutôt une course sans compétition. Il y aura peut-être des essais à la place ou quelque chose comme ça. Mais ça ne comptera en tout cas pas pour le championnat. Donc je pense qu'il faudrait plus surveiller les équipes italiennes que de se préoccuper des courses à huis clos. Aujourd'hui, on a eu la enfin, au moment du tournage, j'ai vu la première course de Formule 1 électrique qui s'est passé à Marrakech aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est la première course de bataille. Il y aura une autre course l'après-midi, mais malheureusement, au moment du tournage, eh ben, la course 2 ne s'est pas passée. Donc, je vais essayer de vous dire rapidement le classement de cette course. En tout cas, c'est encore une fois un carton plein pour DS qui a gagné la première course avec Dacosta. Et voilà. Alors, le résultat de la course. Alors, les résultats de la course, c'est Dacosta qui a gagné avec DS en seconde. Nous pouvons voir BMW avec Gunther en troisième position et qui ferme le podium. C'est Jean-Éric Vergne qui gagne. En quatrième position, Buemi avec sa Nissan. Mortara qui finit cinquième avec la Venturi. Jaguar 6e avec Evans, Di Grassier avec son Audi 7e, Lotterer et 8e avec Porsche, Roland 9e avec sa Nissan et Virgin termine ce top 10 avec sa Bird. En ce qui concerne le championnat, on peut voir que Dacosta domine toujours le championnat avec 67 points. Mitch Evans est deuxième avec 56 points. Sims est troisième avec 46 points. Gunther est 44e avec sa BMW. Audi et Luca Di Grassi sont cinquième. Van Doorn avec la Mercedes est sixième. Mortara est 7e, Jean-Éric Vergne est 8e avec sa DS, Roland est 9e et Bird est 29e. En ce qui concerne le classement par équipe, sans surprise, on va retrouver la DS en première position avec 98 points, soit 8 points d'avance sur la BMW qui est seconde. Un Jaguar se retrouve à la 3e place avec 66 points. Nissan 4e avec 57 points. Mercedes 5e avec 56 points. 6e, on peut voir qu'il y a Audi avec 46 points. 7e, c'est la Virgin Racing avec 39 points. 8e, la Rockit avec 34 points. 9e, la Porsche avec 25 points. Et pour terminer, on a Mahindra Racing, l'équipe indienne, qui est 17e. On peut voir que le classement est assez serré quand même. Hein. Il n'y a pas vraiment de troisième place. Tout le monde peut espérer de terminer sur ce podium, que ce soit Jaguar, Nissan, Mercedes, et voire même Audi, malgré qu'il soit un peu loin. En ce qui concerne DS et BMW, par contre, ça va être entre eux que va se jouer la première place. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette première émission. N'hésitez pas à m'envoyer des retours via la page Twitter de l'émission. Ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours et de savoir comment je pourrais améliorer l'émission. La semaine prochaine, vous aurez l'émission le lundi. Et on parlera de... une grande partie sera consacrée à la course qui s'est passée à Melbourne. J'espère qu'on aura également d'autres nouvelles en ce qui concerne le coronavirus pour savoir où ça en est en ce qui concerne l'émission. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt, au revoir.